Exercice 3, page 123. A. Sel, ciel. B. Pas, paille. C. E, œil. D. Nous, nouille. E. Qui, quille. F. Tri, trille. G. Brille, brille. H. Gris, grille.